les petites histoires de Tell Me. Isor, la tortue alligator. Isor, la tortue alligator, aimait bien mordre tout ce qui passait à proximité de sa gueule. C'était plus fort qu'elle. Un jouet, un morceau de bois, ou même un bras. Et c'était sûrement pour cette raison que sa charmante petite famille d'humains l'avait abandonnée. Sans doute aussi à cause de sa taille. Isor avait atteint les 25 kilos en seulement quelques mois. La voilà donc aujourd'hui, perdue au milieu de nulle part, sans repère, et surtout, sans rien à se mettre sous la dent. « Tu sens cette odeur infâme ?» demande une petite voix aiguë derrière elle. Isor sursaute et se retourne. Une petite tortue la fixe. « C'est vrai ça ? Ça sent pire que dans mon aquarium. L'eau est toute dégoûtante. On appelle ça un marécage. Je suis Lulu, une tortue de Floride. Et toi ?»« Je m'appelle Isor. Cet endroit ne me plaît pas du tout, Lulu. Je te comprends. On doit vite se trouver une rivière, avec de l'eau qui coule et ne croupit pas. Les rivières en Floride, ce n'est pas ce qui manque. Je suis sûre que par-delà le marécage, il y en a une. Suis-moi. » L'ennui, c'est que la rapidité n'est pas le point fort des tortues. Mais qu'à cela ne tienne, elles déguerpissent à leur rythme. Après de longues, longues minutes d'une lente, lente marche, elles décident de faire une pause. C'est alors qu'une imposante masse pleine d'écailles sort doucement de l'eau boueuse. « Regarde, Lulu, une tortue géante !» s'exclame Isor. Son ami est consterné, et un peu effrayé aussi. « Bonjour, vous, je suis Cyril le crocodile. Et vous ?»« Moi, c'est Isor, la tortue alligator, et elle, c'est Dudu. C'est rigolo, on se ressemble un peu, mais vous avez tout de même plus de dents et moins de carapace, je trouve. » Cyril s'avère être un crocodile charmant. Il est très avenant et s'intéresse à la raison de la présence des deux tortues si près d'un marécage. Lulu lui explique tout. « S'il y a bien un conseil que je peux vous donner, » commence Cyril, « c'est de ne pas partir le ventre vide. Laissez-moi vous préparer un petit quelque chose. » Les tortues quittent Cyril rassasiées. Au bout de quelques heures de marche, sous une chaleur humide, Lulu et Isor arrivent à la lisière d'une forêt. « Reste sur tes gardes, Isor. Il y a de drôles d'animaux par ici !» prévient Lulu. Isor ne comprend pas. La forêt ne semble pas menaçante. Elle est toute verte, comme elle, et plus luxuriante qu'une rivière pleine de têtards. Tout à coup, un craquement retentit. Puis un autre. Lulu part se camoufler sous un feuillage. Isor n'a pas le temps. Elle se déplace bien trop lentement. « Alors, comme ça, on est parti en goguette ?» dit une voix rauque. Un animal imposant sort de l'ombre. Lulu pousse un cri étouffé dans sa carapace. Une panthère de Floride. « Bonjour, je suis Alistair, la panthère. Vous devriez faire attention, les environs ne sont pas très sûrs. »« Vous tombez bien, on cherche une rivière. Vous savez où il y en a une ?» demande naïvement Isor. Lulu est effarée par la candeur de son ami. « Isor, c'est une panthère !» Et alors, il a l'air de connaître le coin. Je suis sûr qu'il peut nous aider. Alistair se frotte les pattes. Deux déjeuners pour le prix d'un seul, quelle aubaine. Il prend sa voix la plus rassurante possible. « Vous avez raison, je connais cette forêt comme les poils de ma moustache. Il y a une rivière un peu plus loin. Elle vous plaira, c'est certain, laissez-moi vous y conduire. » Lulu est un peu rassurée. Accompagnée d'Isor, elle emboîte lentement le pas d'Alistair. Alors qu'il s'enfonce de plus en plus dans la forêt, Isor a un mauvais pressentiment. Le regard de leur guide s'est assombri. Soudain, une énorme panthère bondit derrière les tortues. C'était un piège. Le sang d'Isor ne fait qu'un tour. Une envie soudaine de mordre l'envahit. Sans réfléchir, elle referme sa puissante mâchoire sur la patte arrière d'Alistair, qui pousse un hurlement de douleur. Elle bondit sur la tortue. Mais Isor tient bon. Une tortue alligator ne l'a jamais prise. De son côté, Lulu s'est tapie sous un feuillage, terrorisée. Isor s'attaque à la queue de l'autre panthère. « Ma parole, c'est un vrai ours, cette tortue !» s'écrie Alistair. « Un vrai alligator, tu veux dire ?» couine son ami. « Non, je suis une tortue alligator, mais... » Les deux félins profitent de ce moment de répit pour se carapater en piteux état, abandonnant derrière eux l'idée d'un dîner gastronomique. Le calme revient un instant. On peut dire que vous avez eu chaud, Carambas. Regarde, Lulu, un pigeon, s'exclame Isor. Lulu est une fois encore consternée par le sens de l'observation de son ami. Dites donc, jeune fille, je ne vous permets pas. Je suis Alain, le faucon pèlerin, un rapace, et sûrement pas un pigeon. Pardon, dit Isor toute penaude. Alain continue. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que vous êtes en vie, et la mauvaise, c'est que vous n'êtes pas du tout au bon endroit. Les tortues le regardent interdites. Je fais partie de la brigade de sûreté de la région. Il leur montre une bague accrochée à sa patte droite. Les tortues n'ont rien à faire ici. La rivière est de l'autre côté. Laissez-moi vous pendre sous mon aile. Épuisés, mais rassurés, les deux reptiles suivent le drôle d'oiseau. Bientôt, Lulu se sent faible. Elle a passé trop de temps hors de l'eau. Isor aussi est épuisée, mais elle tente de rassurer son amie. Encore un petit effort, Lulu. Écoute le clapotis de l'eau, on y est presque. La rivière apparaît au loin, scintillant sous le soleil. Lulu s'élance en s'écriant. C'est le paradis ici. C'est ainsi qu'Isor, la tortue alligator et Lulu retrouvèrent leurs congénères. Elles vécurent une vie bien remplie, libres de faire ce qu'elles voulaient, nager, dormir et manger en prenant tout leur temps. C'était une petite histoire de Tell Me. Écrite par Olivia Guggenheim et racontée par Arnaud Guillot. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. Et pour les 6-10 ans, plus d'histoires à lire sur tellming.com. T-A-L-E-M-I-N-G.com. À la semaine prochaine!